putain, mais qu'est-ce qu'il a sifflé celui-là? Let's go. Despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi. So let's go. Rendez-vous dans la boîte, tes mains sont moites. Tu passes la douane, oui le stress s'en va. Place à la rapta, loin les platanes. Look about gros que les pétards. On n'est pas dans le rôle, donc on charme les roses. Un son d'un soul sur la piste, c'est rouge. Rite hystérique jusqu'à l'ombre. Dans les baguilles et les jupes, c'est Will Coco. Verre à la main, main sur les reins. On enfreint les règles, on les aime les reines. Viens, je t'emmène. Despi, despi, te suis. Let's go. Despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Quel panache, tous les bacs, la province fait qu'on passe. On tombe comme au casse, l'image on la casse. Appelle-nous notre casse, c'est la razzia sur vos tasses. Partout ça bouge, je fous le sol au patin. Donne-moi du groove, ça bends, bends. Secouez le cou avec ou sans crew. Yes, yes, le DJ dans le bon. Pousse ton gilet, ton ton. Ouais, c'est prod de mon con. T'es dans le bain, chantons. Despi, despi, disco. Despi, despi, despi. Dans mes nuits, l'élégance du Doremi accompagne à mi-ennemi, tel est pris le mépris. Qui croyait plus, on maîtrise. Epic n'est pas les kits, tiens du flow, on le quitte. Tantine, chut, on tourne le clip à base de Marvel et le kitsch. Un peu d'Alfred Hitchcock, toc toc dans nos tétés. Chibre à l'air, puissant, frotte, menotté. Trip à les bornes, t'as pas noté. En Calcutta au rang, via Supanova. Oh, nos ronds sont gonflés au max. Oh, ma machine, tu parles, elle déchire une vibe. So fresh, so clean, t'es fan. Merci, on stack, c'est le beat, t'es si. Despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Disco, despi, despi, despi. Dans vos nuits, l'élégance du Doremi.